Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 39 est... Kaze da to omoimasu. Je pense que c'est un rhume. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna ne se sent pas bien et s'est rendue à l'hôpital accompagnée de la mère du dortoir. Elle va voir un médecin. Écoutons le sketch de la leçon 39. La phrase clé est... Kaze da to omoimasu. Je pense que c'est un rhume. Dou shimashita ka? Seki ga demasu. Netsu mo 37.8 do arimasu. Nodo o misete kudasai. Kaze da to omoimasu. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Le médecin a demandé à Anna Dou shimashita ka? Quel est le problème? Plus littéralement, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Dou signifie quoi? Que. Shimashita signifie fait. C'est la forme au passé de shimasu faire. Ka est une particule placée à la fin d'une question. Si l'on croise une personne en difficulté, on peut lui demander do shimashita ka, n'est-ce pas? Oui. Anna répond seki ga demasu. J'ai une toux, littéralement une toux sort. Seki signifie toux. Na est la particule qui indique le sujet. Demasu signifie j'ai, plus littéralement sortir. Le sujet de cette phrase, watashi wa, parlant de moi-même, est omis, n'est-ce pas? Oui. Il ne fait aucun doute qu'Anna parle d'elle-même, watashi. Il est donc plus naturel de l'omettre. Alors Mélanie, comment diriez-vous j'ai le nez qui coule? Un nez qui coule, c'est... Hanamizu. Alors, je ne mets pas watashi wa parlant de moi-même, c'est-à-dire le sujet, c'est donc hanamizu ga demasu. C'est bien ça. Ensuite, la mère du dortoir explique les symptômes d'Anna. Netsu mo 37.8 do arimasu. Elle a aussi 37,8 degrés de fièvre. Netsu signifie fièvre. Mo est une particule qui signifie aussi, également. 37.8 do signifie 37,8 degrés. 37.8 est le nombre 37,8. Ten signifie point décimal. À ce nombre est ajouté un numérateur qui indique la température du corps. Do degrés. Au Japon, les températures du corps et de l'atmosphère sont exprimées en Celsius. Arimasu signifie « vous avez » ou « il y a ». Arimasu exprime l'existence ou la possession. Lorsque l'on tombe malade, c'est difficile si on ne parvient pas à se faire comprendre en japonais. Comment dois-je dire « j'ai mal à la tête » ou « j'ai mal au ventre » ? Tête, c'est « atama ». Avoir mal se dit « itai desu ». Donc « j'ai mal à la tête », c'est « atama ga itai desu ». Si l'on a mal au ventre, « ventre » se dit onaka. Alors on dira onaka ga itai desu. J'ai mal au ventre. Donc Mélanie, que faut-il dire si vous avez mal aux dents? Dents, c'est ha. Ha ga itai desu, n'est-ce pas? C'est juste. Le médecin dit nodo o misete kudasai. Laissez-moi regarder votre gorge. Plus littéralement, veuillez me montrer votre gorge. Nodo signifie gorge. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Misete est la forme en T du verbe misemasu, montrer. On exprime une demande en utilisant la forme en T d'un verbe suivi de kudasai, veuillez, s'il vous plaît. Après avoir examiné Anna, le médecin dit kaze da to omoimasu. Je pense que c'est un rhume. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Kaze signifie rhume. Da est la forme familière de des, une expression polie qui conclut une phrase. On dit to omoimasu. Je pense que lorsque l'on exprime nos pensées, opinions ou suppositions. Exerçons-nous à dire notre phrase clé aujourd'hui. Je pense que c'est un rhume. 風だと思います。 Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 39. La phrase clé aujourd'hui est... 風だと思います。 Je pense que c'est un rhume. どうしましたか? 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風だと思います。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris Kazedato Moimas. Je pense que c'est un rhume, une façon d'exprimer les pensées, opinions, idées ou suppositions du locuteur. Je crois que c'est une expression importante. Veuillez nous l'enseigner plus en détail. Demandons à notre professeur. Lorsque l'on souhaite exprimer ses idées, opinions ou suppositions, on dit d'abord ce qu'on pense, et ensuite « と思います ». « Je pense que », plus littéralement, c'est ce que je pense. « 思います » est un verbe qui signifie « penser ». On ajoute la particule « と » après avoir dit ce qu'on pense. Devant « と思います ». « Je pense que », on emploie la forme simple des verbes, comme la forme du dictionnaire ou la forme en « ta ». Vous avez appris les formes simples dans la leçon 26. Prenons comme exemple la phrase qui signifie « je pense qu'elle viendra ». Elle, c'est « 彼女 ». Pour « venir », on utilise la forme du dictionnaire. « 来る ». Alors on dit « 彼女は来る ». Elle viendra. Après cela, on dit « と思います ». Je pense que. La phrase complète est donc « 彼女は来ると思います ». Je pense qu'elle viendra. Si un adjectif en « i » précède « to omoimas », il ne change pas. Comment dit-on alors « je pense qu'elle est belle » ? Belle, c'est « utsukushi ». Un adjectif en « i ». Donc la réponse est « 彼女は utsukushi と思います ». Si les noms ou les adjectifs en « na » sont placés devant « to omoimas », il s'agit simplement de dire « da » après eux. Et comment dit-on « je pense que c'est pratique » ? Ce se dit « それ ». Pratique, c'est Benri. Un adjectif en na, donc on met da après et on dit benri da. On obtient ainsi それは便利だ. C'est pratique. On ajoute ensuite と思います. Je pense que. Le résultat final est それは便利だと思います. Je pense que c'est pratique. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons maintenant à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est une toux légère et on l'exprime ainsi. Con-con. On dit con-con. Et dans le cas d'une vilaine toux? Dans le cas d'une mauvaise toux comme celle-ci, on emploie goho-goho. Goho goho décrit une personne qui s'étouffe en toussant violemment. On devine en effet que cette personne a de la difficulté à respirer, non? Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons parlé de con con et de goho goho. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. La caissière à l'hôpital, de même que le médecin, ont dit « Odaijini, prenez soin de vous. Ils s'inquiétaient tous de moi et ça m'a fait chaud au cœur. Je ferai tout ce qu'il faut pour me remettre sur pied. » Avez-vous apprécié la leçon 39? Notre phrase clé aujourd'hui était « 風だと思います. Je pense que c'est un rhume. » Nous verrons dans la prochaine leçon comment se porte Anna après son retour au dortoir. Nous vous donnons rendez-vous pour cette prochaine leçon.